Chapitre 2e, le cachet noir. Le château féodal du marquis de Kerdal était construit sur une falaise à pic, près de la pointe de Saint-Gildas, à peu de distance des îles de Boélic et de Boède. Il se composait des deux corps de bâtiments et d'un corps de logis principal. L'aile droite était destinée à Fernande et à son futur mari, et Fernande avait présidé avec amour aux divers arrangements de l'appartement qu'il devait occuper. La chambre à coucher, située au rez-de-chaussée, avait tout à la fois un caractère simple et imposant. Sa boiserie en vieux chêne habilement fouillé était en parfaite harmonie avec l'ameublement également en vieux chêne sculpté. Des angles d'une cheminée monumentale s'élançaient de cariatides en marbre noir qui soutenaient une horloge dont le cadran avait été émaillé autrefois dans les ateliers de Limoges. Entre deux larges fenêtres, au-dessus d'un prie-dieu recouvert de velours violet, se détachait, au milieu de son cadre antique, une Vierge de Murillo. Ce chef-d'œuvre du peintre espagnol était d'autant plus cher à Mademoiselle de Croix-Marie qu'il venait de sa mère. Tout enfant, elle s'était agenouillée devant lui chaque matin et chaque soir, et en le plaçant dans cette chambre, elle avait eu la pensée d'initier ainsi Jean de Clodion aux pieuses méditations de son enfance et de sa jeunesse. Au sortir de cette pièce, on entrait dans un salon de moyenne grandeur, entièrement tendu d'une tapisserie de vieux Beauvais. Le mobilier, de l'époque de la Renaissance, était en ébène plein, incrusté d'ivoire. Quatre superbes toiles de Van Dyck décoraient les panneaux. Ce salon, d'un aspect sévère, s'harmonisait merveilleusement avec la vue grandiose de l'océan qui battait les pieds de la falaise sur laquelle s'élevait le vieux manoir. Au loin, on apercevait le fouillis d'îlots et de rochers du golfe qu'on nomme le Morbihan, des mots bretons morts, mères, et Bihan, petite. Les autres pièces, qui communiquaient entre elles par des portes intérieures, s'ouvraient toutes de plein pied, comme le salon et la chambre à coucher, sur une terrasse suspendue au-dessus de la mer. L'aile gauche était occupée par le marquis de Kerdal. Cette partie du château était un véritable musée cinégétique. Dans une salle immense, qui aurait pu passer pour un précis historique de la vénérie française, on voyait des armes de toutes les époques, depuis la flèche en silex de l'âge de pierre jusqu'au fusil à percussion. Au centre de cette pièce était une table à compartiment qui n'était pas l'objet le moins curieux de l'ameublement. Le marquis, aussi grand fumeur que grand chasseur, avait fait de ce meuble le temple de la nicotine. Des pipes de toutes les formes et de toutes les provenances, y compris le brûle-gueule en racines de bruyère et la pipe microscopique dans laquelle les Chinois fument l'opium, se dressaient, rangés dans une sorte de râtelier, et au-dessus de chaque catégorie de pipes, une boîte en bois de santal renfermait le tabac particulier à chacune d'elles. Au-dessus du tablier de la table s'ouvraient de nombreux tiroirs avec étiquettes indiquant les divers cigares qu'ils contenaient. Le corps de logis principal s'élevait entre les deux ailes et les ralliers. Là se trouvaient les pièces d'un usage commun, la salle à manger, la bibliothèque et le salon des grands jours, auquel on arrivait par un large perron qui s'ouvrait sur la cour d'honneur du château. Un escalier monumental conduisait du vestibule aux appartements de l'étage supérieur, réservé aux quelques amis du vieux gentilhomme qui, chaque année, venait ouvrir la chasse avec lui. Le marquis de Kerdal, par habitude autant que par tempérament, était d'une humeur joviale, sauf les jours où il avait fait mauvaise chasse. Le jour où nous le trouvons déjeunant en compagnie de Fernande, il était d'une humeur massacrante. Il avait chassé toute la matinée, il était revenu bredouille. Il jurait comme un païen après les chiens, qui lançaient trois fois, avait, prétendait-il, fait défaut sur défaut. Il jurait après la cuisinière, qui, soi-disant, avait manqué le rôti. Enfin, il jurait après tout le monde. Fernande, de son côté, était triste et silencieuse. Une effroyable tempête avait rugi pendant une partie de la nuit, des nuages grisâtres couraient dans le ciel bas et pluvieux, et le temps entrait probablement pour quelque chose dans les dispositions nerveuses de l'oncle et de sa nièce. Tout à coup, le tintement de la cloche du château se fit entendre. Mademoiselle de Croix-Marie et le marquis levèrent simultanément la tête et se regardèrent. « Sans doute le facteur qui apporte les journaux, » dit le vieux gentilhomme, « ou peut-être une lettre du duc de Clodion. » reprit Fernande en rougissant. « Il te tarde de savoir si ton prétendu va arriver bientôt, » répliqua en souriant le marquis de Kerdal. « Je comprends cela, ma chère enfant, mais sois-en certaine, au lieu d'une lettre, c'est lui en chair et en os qui nous arrivera. La dernière fois que le duc m'a écrit, il y a deux ou moins ma foi, il m'annonçait qu'il faisait ses préparatifs de départ, et je ne serais pas étonné, après tout, que ce fût lui et ton cousin. » La porte de la salle à manger qui s'ouvrit coupa la parole au marquis. Un domestique apportait le courrier du matin sur un plateau d'argent. Du milieu des journaux se détachait une lettre de grande dimension, encadrée de noir et revêtue de timbres étrangers. Fernand, en l'apercevant, laissa échapper un cri de terreur. Un pressentiment lui disait que cette lettre devait renfermer une sinistre nouvelle. « Qu'as-tu donc ?» lui demanda le vieux gentilhomme. « Voyez, mon oncle, voyez !» répondit la jeune fille en lui montrant la lettre. Le marquis, à son tour, ne put se défendre d'une vive émotion, et ce fut en tremblant qu'il ouvrit cette lettre dans laquelle Jean de Clodion lui apprenait la mort foudroyante de son père. La lettre se terminait ainsi. « Aussitôt que j'aurai rendu les derniers devoirs à celui que je pleurerai éternellement, je quitterai le Mexique. J'obéirai, en hâtant mon départ, non seulement à un mouvement de mon cœur, mais aux volontés suprêmes de mon cher et pauvre père. À son lit de mort, il m'a ordonné de ne pas différer l'union qu'il avait rêvée pour moi et dont il aurait été si heureux d'être témoin. » Plus loin, le duc Jean continuait en ces termes touchants. « La perte irréparable que je viens de faire est pour moi comme un naufrage, et je me sentirais perdu à tout jamais dans la vie si je n'entrevoyais pas un port auprès de la belle et noble jeune fille dont vous avez été le père adoptif. Dites bien, ma cousine, que je l'aimerai d'autant plus qu'elle est le seul lien qui me rattache à l'existence. Vous aussi, monsieur le marquis, vous trouverez en moi toute la tendresse d'un fils, et si vous voulez bien y consentir, vous n'aurez auprès de vous qu'un enfant de plus à aimer. » Fernande, en entendant la lecture de cette lettre, ne put retenir ses larmes. Le marquis, tout cuirassé qu'il était contre les coups du destin, demeura un moment atterré en apprenant la mort de son meilleur et plus vieil ami. « Il faudra que nous aimions bien mon pauvre cousin, » lui dit Fernande qui essuyait ses beaux yeux. « Il sera mon fils, comme tu es ma fille, » répondit le vieux gentilhomme en lui pressant les mains.